Je ne crois pas au destin, mais que tout peut changer. Qui sait ce que demain peut réserver? Je ne crois pas au hasard, mais que tout est écrit. Comme il n'y a pas d'histoire que l'on choisit, on peut vouloir notre vie. On peut vouloir notre vie, mais faudra laisser faire le temps, nous rapprocher, nous apprivoiser. On sait que ça prendra du temps pour avancer, pour rapprocher. On est là, je sais qu'on se ressemble. Demain, il nous faudra marcher ensemble. Je sais mes failles et mes envies et le bout des regrets qui t'a payé le prix. Je te suis. On peut rêver une autre vie. On peut rêver une autre vie. On peut rêver une autre vie. Il faudra laisser faire. Faudra laisser faire le temps, nous rapprocher, nous apprivoiser. On sait que ça prendra du temps pour avancer, pour approcher l'éternité. Faudra laisser faire le temps, nous rapprocher, nous apprivoiser. Pour avancer pour l'éternité, il faudra se donner du temps, de patienter pour s'abandonner. On sait bien que ça prendra du temps, mais tout ça prendra pour nous. Thank you. Thank you.